Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, l'usage des drogues. Une série de Lydia Ben-Yitzhak réalisée par Doria Zenin. Au départ de cette série, il y a des chansons des Stones, le psychédélisme, du cinéma avec seringues apparentes, des clichés rassurants où les méchants drogués sont perçus comme des épaves criminelles, et puis tous ces produits et ces habitudes dont on ne peut pas se passer, et la possibilité de la drogue comme un remède. Alors pour commencer, les personnages. Un militant dans sa maison, des malades délinquants, des procureurs qui bougent, un addictologue vigilant, un pharmacien démuni, des policiers qui veulent fermer les yeux, un psy qui nuance, un spécialiste LSD et un chaman sous scanner. Ensuite le décor, du cannabis qui soulage, des quadrithérapies, des résistances, l'autosupport, la diabolisation, la peur de perdre le contrôle, du LSD pour soigner les traumatismes, un hôpital psychiatrique à Prague, des hallucinations conscientes, la MDMA contre la dépression, l'héroïne pour mourir mieux, l'ayahuasca pourquoi pas, l'imagerie médicale et des expériences sous surveillance. Aujourd'hui, 4e épisode, on est attendu. Bonjour Charlie. On est à Schiltigheim, juste à côté de Strasbourg, en Alsace, et on va rencontrer Bertrand Rambaud, qui milite pour l'usage du cannabis thérapeutique, et c'est vraiment le combat d'une vie. Ah, bonjour. Ah, vous nous guettez. Je suis à la fête et je suis arrivé. Drogue thérapeutique. Doria Zenin, Lydia Ben-Yitzhak. Oh, bonjour Bertrand Rambaud. Vous allez bien ? Oui, bien. Bonjour, enchanté. Bonjour. Bonjour. Jean-Jacques Simon. Enchanté. Jaco, qui est aussi un membre de l'association, qui est aussi malade et qui fait partie aussi du CA de l'association. Ah, très bien. Et du coup, c'est votre maison ici, c'est ça ? Ouais, c'est ma maison. Ici. C'est une toute petite maisonnette, hein, finalement. Ouais, mais en même temps, je suis tout seul, donc ça va. D'accord. Ça va. Alors là, Bertrand Rambaud, vous êtes un militant pour le cannabis thérapeutique depuis longtemps. Oui, puisque on a créé l'association en France. L'UFCM a été créé en 2013. Et qu'avant ça, on militait déjà pour le cannabis thérapeutique dans une autre association qui s'appelait ICAR et qui était basée à Strasbourg. Et en fait, c'est la fusion de l'UFCM qui était au Luxembourg et de ICAR qui était à Strasbourg qui a donné la version actuelle de l'UFCM. Et donc vous avez commencé à en consommer pour des raisons thérapeutiques ? Je consommais déjà du cannabis pour d'autres raisons que thérapeutiques. Pour être tout à fait honnête avec vous, et en fait, c'est vrai qu'avec la maladie, le fait que je sois intolérant aux antirétroviraux qui me maintiennent en vie, et que le cannabis diminue les effets secondaires des traitements que je prends et me permette de manger, de dormir, etc., bah c'est sûr que je me suis très vite intéressé en fait aux bienfaits que le cannabis pouvait m'apporter d'un point de vue médical. Et là, par exemple, vous prenez des trithérapies depuis combien d'années ? Là, en fait, c'est des multithérapies, parce que là, on parle plus de trithérapie. Là, actuellement, c'est une quadri. Donc, sous multithérapie, depuis 93, et depuis 93, j'ai changé 18 fois de traitement. Ah oui, c'est très évolutif. Ben, en fait, c'est parce que comme je suis intolérant aux antirétroviraux, les traitements, au bout d'un an et demi, deux ans, j'ai des résistances sur toutes les molécules, donc il faut que je change de traitement parce qu'autrement c'est plus efficace. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'à ce moment-là, il faut laisser le temps au virus de muter pour que les résistances elles tombent et pour qu'on puisse me represcrire un traitement. Donc là, depuis 93, ça fait 18 traitements différents. Et si c'est pas indiscret, vous avez quel âge là ? 57 ans. D'accord. Et pour qu'on se rende compte, quel est le type d'effet secondaire de ces médicaments ? Ça va varier, ça va dépendre des traitements en fait. Il y a beaucoup des nausées, des douleurs au niveau du ventre. Enfin, il y a beaucoup de douleurs en fait. Et beaucoup de nausées, du mal à dormir, plus d'appétit, des choses comme ça quoi. Et du coup, le cannabis, ça permet de pallier à ces effets ? Bah, le cannabis, de toute façon, c'est au niveau des études internationales, c'est prouvé, archi-prouvé, il n'y a plus de contestation là-dessus, c'est sur l'appétit, sur le sommeil, ça fonctionne très très bien. Donc après, moi, sur le côté un petit peu plus personnel de l'intolérance au traitement, moi, ça m'aide beaucoup, puisque ça me fait diminuer les effets secondaires, qui n'arrêtent pas d'augmenter, en fait, puisque l'intolérance, c'est aussi ça. C'est en dehors du fait que je vais créer des résistances, en même temps, les effets secondaires augmentent au lieu de diminuer. Donc au bout d'un moment, c'est plus gérable, quoi. Ça devient très très très compliqué. Et vous, Bertrand Rambeau, vous le consommez sous quelle forme, le cannabis ? Parce qu'il y a vraiment plein de moyens de le consommer. Alors, je ne le fume pas, pas de combustion. Ça va être sous forme de vaporisation, sous forme d'huile, en ingestion, en tisane, éventuellement en le mangeant sous forme de gâteau. Mais ça, beaucoup moins, parce que c'est beaucoup moins précis, on peut beaucoup moins le doser quand c'est sous forme de gâteau ou d'infusion. Mais pour ce qui est de la vaporisation et pour ce qui est des huiles, c'est des dosages très précis, quoi. Donc ces produits, vous en avez quand même besoin au quotidien, et vous avez eu des soucis avec la police, Bertrand Rambeau. Oui, j'en ai besoin au quotidien, et j'ai eu des soucis effectivement avec la police récemment, et j'ai eu aussi des ennuis aussi avec la police en 2014, qui était déjà venue une première fois ici, et d'ailleurs suite à ce qui s'était passé en 2014, j'ai dû arrêter de prendre mes traitements pendant 3 mois puisque j'avais plus de cannabis, et pendant cette période-là, j'ai perdu 14 kilos. Donc 25% de masse corporelle en moins, donc c'est pour moi, depuis avoir de cannabis, ça veut dire que je prends plus mes traitements. Donc si je peux plus prendre les traitements qui me maintiennent en vie, c'est risqué pour moi. Donc à l'époque, mon médecin m'avait represcrit du cannabis que j'avais été chercher dans une pharmacie aux Pays-Bas. Et là, ils sont revenus, ils m'ont de nouveau, puisque je produisais moi-même mon cannabis, ils m'ont de nouveau saisi mon matériel et pour m'empêcher de cultiver, quoi. Mais après, voilà, il y a 41 pathologies actuellement qui sont reconnues au niveau international et dont on pourrait améliorer la qualité de vie des patients avec le cannabis. J'accueille toutes les belles paroles de ces politiques en ce moment qui sont pour une ouverture sur le cannabis médical. Je dis bien, c'est très bien. Et puis, dans la seconde après, je dis ouais, mais c'est bien beau de parler. Quand est-ce qu'on passe aux actes? Parce que nous, on n'est pas dans le même temps, les malades. On n'est pas dans le temps politique. C'est pas là. Le professeur Nicolas Autier qui a dit oui, ça se fera peut-être, mais d'ici 2020. D'ici 2020. Et qu'est-ce qu'ils font, les malades, d'ici 2020? On continue à être des délinquants, on continue à être pourchassés par la loi, on continue à passer devant les tribunaux, qu'ils accordent aux malades et qu'ils autorisent l'importation de cannabis médical en France et qu'il soit délivré en pharmacie. On n'a pas le même temps. Eux, ils sont dans le temps politique, nous, on est dans le temps des malades. Le temps des malades, c'est maintenant. Alors là, il y a un ami qui est chez vous, qui est Jaco. Comment vous nous le présenteriez, Bertrand? Comme un électron libre. Non, c'est aussi un malade. Il était intervenant, en fait, je l'avais choisi comme intervenant pour le premier colloque qui a eu lieu au Parlement européen en 2012. Et donc, ça a été le premier intervenant malade dans un des colloques de l'UFCM. Alors, comment vous vous présenteriez, Jaco ? En fait, j'ai 59 ans, je suis séropositif depuis environ 82. J'ai fait, moi, un peu moins de thérapie que Bertrand, j'en ai fait que 14. Mais bon, par contre, tout à l'heure, c'est vrai, quand j'entendais parler des effets secondaires qui peuvent être engendrés par des multi ou tri ou quadrithérapies, moi, personnellement, j'ai perdu environ 20 kilos en moins de 10 jours. Pronostic vital en jeu, empoisonnement des reins, etc., etc. Donc, c'est vraiment une maladie à multiples facettes, quoi. C'est un peu, alors déjà, le cannabis aussi, thérapeutique, récréatif, tout ça. Moi, personnellement, on m'a proposé, vu la situation que je vis, tous les antidépresseurs, anti-anxiolytiques de la planète, enfin de tout ce qu'on peut trouver. Donc si moi, à la limite, je préfère utiliser ce cannabis et que ça me convient mieux, voilà quoi, c'est mon choix après. Donc je vois pas qui peut se prétendre dire le contraire. Et quand je dis ça, c'est un peu parce que moi j'ai eu un petit problème, je sais pas, bon, enfin moi je me suis fait attraper avec 415 grammes d'herbe que j'avais autoproduit, cultivé, donc, que je pouvais pas téléporter, donc, comme je l'avais fait, comme je suis dans un studio, je vais pas m'amuser à faire de l'herbe dans mon studio. Donc, j'avais la chance d'avoir des amis retraités qui n'avaient rien à faire et qui me laissaient la faire chez eux, qui me connaissent suffisamment bien pour savoir l'utilisation que j'en faisais, donc je la faisais. Et là, j'en ai remonté. Et là, il s'est trouvé, concours de circonstances, la douane au péage, bing, bam, ils cherchent pas à comprendre, voilà, vous avez 415 grammes d'herbe. Mais bilan du truc, comme bon, je suis passé en garde à vue, au bout de 5 heures de garde à vue, le médecin a jugé que j'étais inapte à la garde à vue, donc ils m'ont relâché en me donnant une convocation pour revenir 3 mois après. Mais quand je suis venu 3 mois après, je suis le premier en France qui a été relaxé. La procureure du tribunal de Bourges, elle a quand même dit « La loi est censée protéger les individus. Dans votre cas, elle ne vous protège pas. Elle vous met même en danger en vous empêchant l'accès à votre traitement. » C'est le procureur qui dit ça. C'est-à-dire que mon avocat, il savait même plus pourquoi il était venu, en fait, l'avocat, à la fin. Et ils sont revenus et m'ont relaxé. Alors moi, c'est pour ça, au départ, l'histoire du militantisme, il vient de là. Moi, je faisais aucun trouble à l'ordre public. Ça faisait 15 ans. Je fais mon herbe à la campagne, je la fume, j'en vends à personne. Voilà, il y a personne qui... Mais je suis animateur en maison de quartier, dans des quartiers chauds, avec des 13-17 ans. Je fais des interventions à l'EDEC, à Lille. Je fais des interventions dans les écoles d'infirmières, dans les Yvelines, partout. J'achète pas, je vends pas, rien, il y a rien, aucun trouble à l'ordre public depuis 15 ans. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont décidé, tiens, ils vont me prendre mon traitement pour que le lendemain, c'est ce que je leur ai dit à la police, qui était tellement d'accord avec moi, mais en off, parce qu'ils peuvent pas se permettre de le dire. Ils étaient mais eux-mêmes, ça les désolait de m'avoir attrapé. Ils se disaient, mais c'est vrai. Et je lui dis, vous savez, le seul truc que vous avez réussi ce soir, c'est de transformer quelqu'un. Et la preuve en est, c'est que quand ils m'ont arrêté, vous avez déjà eu des problèmes avec la justice? Ben, j'ai dit oui, quand même. J'ai dit, j'ai fait 6 ans de prison dans les années 80. J'ai failli faire un Goemio des prisons. Donc oui, j'en ai eu quelques problèmes avec la justice. C'était pourquoi? Multirécidiviste. J'étais toxicomane. Je voulais ni vendre, ni me prostituer, ni mes parents me donnaient de l'argent, ni j'avais un salaire suffisant. Donc j'allais voler. Et vous étiez toxicomane de quel produit à l'époque? De l'héroïne. Combien de temps? Pendant une dizaine d'années. Comme ça. Une bonne dizaine d'années. Et ça, c'était en quelle année? Et ça, c'était entre 77, 78 et 89, à peu près, comme ça. Et quand vous fumez, c'est plutôt sous forme de shit ou d'herbe ou les deux ou peu importe? Ben justement, en fait, toujours pareil. C'est ça, c'est un espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire que moi, personnellement, si la législation, elle est plus souple par rapport à ça, moi, je vais faire ma consommation, point barre, ni plus ni moins, et je vais consommer ma consommation. Maintenant, comme pour arriver à faire sa consommation, c'est la croix et la bannière pour plein de raisons. Il y a plein de facteurs qui font que c'est pas jamais très facile. À un moment donné, t'es obligé. Enfin, moi, dans ce qui me concerne, je me retrouve obligé à me retourner vers du marché parallèle. Et là, on voit de tout et n'importe quoi. Là, je veux dire, la législation fait que j'ai vu des herbes. Parce que maintenant, avant, c'était juste sur le hashish qu'on faisait des manipulations et tout. Mais maintenant, il y a tellement d'herbes qui arrivent que l'herbe, ils n'hésitent pas à la passer à la bombe à la laque. Vous prenez de l'herbe, vous mettez de la laque comme ça. Vous mettez un peu de sable au fond du truc, vous mettez comme ça, donc ça colle, tout ça, ça colle. Ou même sans mettre de laque, vous la passez dans le sable, ça prend beaucoup de poids. Et quand vous faites, vous frottez comme ça, il y a eu toute une histoire là-dessus à un moment donné. Les journaux en ont parlé et tout. Moi, une fois, j'ai trouvé de l'herbe comme ça, j'ai frotté mon doigt comme ça. Tu sens que ça gratte comme si, comme il y a du sable. Ça fait cric, cric, cric sur la table comme ça. Mais c'est toxique la laque. Ben c'est pas que c'est. Oui, mais c'est toxique la laque et la silice dans les poumons au niveau des micro-coupures, c'est stylé. Il y a rien. Enfin, ça doit être super bon parce que ça fait des micro-particules comme ça qui sont comme des miniatures lames de rasoir qu'on va fumer et qui vont partir dans les poumons. Et ils font ça pour augmenter le poids. Pour augmenter le poids. Alors la laque, c'est pas pour augmenter le poids, c'est pour faire un aspect brillant. Comme ça, ils vous disent. Ah, vous voyez, comme avant, ils vous disaient, ils prenaient un bout de hashish, ils le puaient comme ça, c'est tout mou. Évidemment, ils ont mis des trucs dedans qui fait que qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, c'est toujours tout mou. Et ils disent, ouais, c'est parce qu'il est frais. Mais comme personne n'y connaît rien, comme il y a une chape de plomb, que personne peut s'informer là-dessus, les gens, c'est à la parole, quoi. Voilà, ils cherchent pas plus que ça. Et du coup, tout le monde s'empoisonne. Actuellement, les gens, quand ils consomment quelque chose, ils ne savent pas ce qu'ils consomment, à quel dosage. Michel Hautefeuille. Et d'où vient et comment a été fabriqué le produit en question. La légalisation, ça permet à la fois de fournir ces informations-là, et puis surtout de mettre sur le marché des produits qui sont ce qu'ils sont. Là, il y a des études qui sont faites sur la coke actuellement sur Paris, où il y a certaines coke où il n'y en a pas du tout. C'est pas de la coke qu'il y a dedans. C'est des amphés, c'est du tranquillisant, c'est n'importe quoi, c'est l'association de trucs dangereux, c'est des trucs toxiques, mais il n'y a pas de... Cette dimension-là, c'est une dimension de santé publique importante. Parce qu'on peut se demander aussi dans quelle mesure on ne pourrait pas inverser les choses. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a un parallèle entre les histoires de sang contaminé, par exemple, et la situation actuelle par rapport aux produits dont tout le monde sait qu'ils circulent librement partout et dont tout le monde sait qu'ils sont hautement toxiques au-delà de la molécule qu'ils contiennent. Ils sont toxiques parce que on sait qu'il y a des amphés, des catinones, des trucs comme ça, qui sont fabriqués dans des labos qui sont tous plus ou moins compétents, on va dire, ou peut-être très très compétents, et qui emploient comme excipient absolument n'importe quoi. Et ça c'est dangereux aussi. Donc c'est aussi mettre sur le marché des produits qui ne sont pas des bombes à retardement en termes de santé publique. Et vous, Philippe Ril, en tant que pharmacien, effectivement, vous constatez que ce sont des molécules qui n'ont pas d'équivalent, finalement, dans notre pharmacopée officielle, on va dire. Non, il n'y a pas d'équivalent, tout à fait. Hein. D'abord, c'est une plante. Après, la plante, c'est un peu ce qu'on appelle un totem. Hein. C'est un mélange de dizaines, voire de centaines de principes actifs. Et c'est la synergie de tous ces principes actifs dans la plante qui fait qu'en fait, il y a une activité. Donc c'est vrai que dans le cannabis, il y a plusieurs dizaines de variétés de cannabis différents, où on retrouve un certain nombre de cannabinoïdes qui sont présents dans ces variétés, et après il y a des différences dans les variétés. Alors Philippe Rine, on peut dire en France, ça frémit un petit peu là pour l'instant. Il y a l'Agence du médicament qui a fait une réunion d'experts où ils parlent d'autoriser le cannabis thérapeutique en France. Mais il y avait déjà eu des autorisations pour un médicament qui finalement n'a pas été mis en vente. Il y a une ATU sur le Sativex, là, qui est dans les rails, on va dire, depuis 2 ans, et une autorisation temporaire d'utilisation. Il faut quand même préciser que c'est un prix de vente d'un médicament qui ne sera pas remboursé. Entre 200 et puis 500 euros, il y a une fourchette. Là, ils ne se mettent pas d'accord, mais enfin, de toute façon, ça reste quand même relativement cher. Pour une efficacité chez les patients qui l'ont utilisé, qui est pas du tout, on va dire, au top. Voilà. Et parce qu'en fait, dans le Sativex, ils ont sélectionné un seul cannabinoïde qui apparemment n'est pas forcément le mieux adapté à la demande des patients. Et les patients qui utilisent le cannabis thérapeutique dans le monde, ils utilisent la plante totale. Voilà. Donc pour l'instant, donc moi j'ai des amis, collègues médecins qui prescrivent. Elles ont le droit de prescrire. Un médecin est libre de faire une prescription. Par contre, évidemment, vu que le produit, le médicament n'est pas disponible en France, ça veut dire que le patient ou la patiente va chercher son médicament ou sa plante dans un autre pays. Christian Muller, on est à la faculté de pharmacie de Strasbourg, vous êtes chercheur au CNRS et on peut s'étonner, même au niveau mondial, hein, il n'y a pas que la France qui est si frileuse, qu'il y ait si peu de recherches sur les molécules des cannabinoïdes. Alors, ce mot cannabis est diabolisé. Et donc, justement, j'étais invité à un congrès en Suisse, à Lausanne, pour faire une conférence sur la mode d'extraction des principes actifs. Et ils m'ont dit que le cannabis n'est plus utilisé. Ils utilisent le nom de chanvre thérapeutique, ce qui évite que les gens, comme ils disaient, se ferment. Dès qu'on voit cannabis, on voit diabolisation. Et donc, les Suisses m'ont raconté que cela viendrait de Henry Ford, qui avait imaginé, au début de la guerre, 39, une machine pour automatiser la récolte du chanvre. Et donc, le chanvre allait baisser de coût. Et c'est l'industrie du coton qui s'est alliée à l'industrie du tabac pour diaboliser le cannabis. Et c'est ce qui a fait, parce qu'un t-shirt en chanvre dure 10 ans de plus longtemps qu'un t-shirt en coton. Donc il fallait diaboliser le cannabis, avec l'industrie alimentaire aussi en plus, avec le sucre, le lait. Ils se sont alliés pour effectivement diabolisé. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce monsieur qui avait un certain âge m'a dit, vous savez, mon grand-père, il avait toujours un plan de chanvre au fond du jardin pour faire les cordes, il fumait ça la semaine, et il fumait le tabac le dimanche, parce que le dimanche, c'était, le tabac était beaucoup plus cher. Et il disait aussi que les femmes enceintes, avant d'accoucher, on leur donnait toujours une tisane de chanvre, parce qu'ils savaient déjà que ça décontractait musculairement, etc. J'ai entendu, c'est ça pour les cordages, pour la marine notamment, que c'est extrêmement solide. C'est extrêmement solide et surtout il y a des pesticides naturels, enfin des insecticides, personne ne va attaquer, ça ne pourrit pas et ça retient très bien. Moi-même, je suis en train de retaper une vieille ferme alsacienne et nous avons tout isolé en chanvre chaud. Donc là aussi, j'avais dans ma grange 300 kilos de chenvotte, mais c'est du comidisé, il faut prendre... Il faut les fumer, les 400 kilos, pour avoir le peu de CBD, de cannabinoïdes dedans. Mais c'est utilisé déjà et on s'en sert pour l'isolation. Alors, pour les gens qui ne sont pas spécialistes, on peut quand même séparer d'une part l'usage récréatif, où c'est certaines molécules qui entrent en compte, l'usage du cannabis thérapeutique qui va être utilisé comme appoint en fait, pour certaines maladies qui ne vont pas trouver d'autres médicaments pour soulager certaines douleurs, etc. Et puis, il y a la recherche proprement dite, par exemple, où on a trouvé que c'était également des antitumoraux très efficaces, dans certains cas d'épilepsie, ou même d'enfants autistes qui vont avoir des réactions très étonnantes. Et là, on découvre qu'au niveau mondial, il y a vraiment une sorte de blocage psychologique. Dans un endroit où on pourrait penser que la rationalité a son mot à dire, on ne va pas développer des recherches à cause du côté sulfureux de la réputation du produit. Alors voilà, le blocage psychologique est aussi un blocage pécuniaire. Qui c'est qui va vous financer une recherche sur le cannabis ? Là, on vient d'en avoir trouvé un financement, et ce n'est pas une boîte pharmaceutique, ce n'est pas des industriels, c'est un producteur de lampes LED qui font justement des chambres pour cultiver de manière stérile et avoir un cannabinoïde normalisé avec des plantes qui poussent à une certaine température, à une certaine degré, à une périodicité de lumière correcte, pour avoir toujours la même production de la même plante. C'est ces gens-là qui financent notre recherche sur les molécules anticancéreuses contenues dans le cannabis. Je suis amoureux d'une cigarette, toute la sainte journée. Elle me colle au bec. Elle aussi, s'il te reste un peu de ferraille, ravitaille-moi d'un paquet de gris. Que je m'en grille une aussitôt à la place de ce satané vieux mégot. Oh. Alors, on peut se droguer sur ordonnance. En même temps, les drogues sur ordonnance partagent avec les drogues en général cet opprobre généralisé. Ce sont des médicaments sulfureux. Les benzodiazépines, les antidépresseurs, tous les psychotropes ont une très mauvaise réputation dans la société. Une très mauvaise réputation qui, à mon sens, là c'est le psychiatre qui parle, Richard Rechtmann, est profondément injustifiée. Parce que ce sont des molécules extraordinairement utiles dans certains cas. Comment on va gérer intelligemment pour qu'un produit utile soit utile à ceux qui en ont besoin et qu'on puisse protéger ceux qui n'en ont pas besoin et qui risqueraient de devenir dépendants, comme il touche la conscience, comme il touche cette chose particulière qui est qu'un sujet, aujourd'hui, un citoyen, c'est un sujet psychologique, devient éminemment brûlant. Enfin, tout un imaginaire qui est moyenâgeux, pardonnez-moi. De quoi on a peur, justement ? De ces modifications de la conscience. Tout ce qui viendrait modifier la conscience est quelque chose qui nous fait très très peur. Tout ce qui vient de son psychisme est une garantie de son humanité, qui est une chose tout à fait nouvelle. Dans les années 50-60, si vous vouliez définir un citoyen, vous ne le définissiez pas par ses humeurs, ses passions, ses angoisses, vous le définissiez par son engagement politique, par sa classe sociale. Donc bien sûr, la chose intime du psychisme fait partie de l'espace public. Que ça marche ou que ça marche pas, c'est-à-dire qu'on empêche ou non les gens de consommer, est moins important que la norme que ça a mise en place. Puisque d'un côté, il y a ceux qui répondent de façon pragmatique sur l'objet, écoutez, il y a plein de pays qui ont dépénalisé le cannabis, ça se passe bien, il y a plus de consommation, mais c'est pas une catastrophe. Enfin, c'est peut-être pas, en plus, peut-être qu'on arrête le trafic de drogue dans certains quartiers, que ça va diminuer la criminalité. Enfin, il y a plein d'éléments objectifs. Et ceux qui s'y opposent répondent pas par des éléments objectifs. Ils répondent par des éléments supposés éthiques, moraux ou politiques, en disant, non, là, vous allez sur quelque chose d'essentiel. Ce qu'on ne peut pas changer, c'est-à-dire que l'État ne peut pas autoriser ces modifications de la conscience ou ces états de conscience altérés. Ce qui est bien, c'est de consommer et de se contrôler. Et ce qui est mal, c'est de consommer et de ne plus se contrôler. Et donc, d'aller vers ce côté de la modification de la conscience, modification de l'esprit, qui ne sont pas tolérés dans l'espace contemporain. Alors, on parlait des antidépresseurs, Richard Eichmann. Pourquoi est-ce que la France est championne dans la matière ? La France est championne dans la matière pour des raisons qui tiennent à l'organisation de son système de santé. Donc, il y a une querelle autour des antidépresseurs qui ne correspond pas à la réalité sanitaire. C'est un, on n'a pas les enquêtes de consommation. Deux, ce ne sont pas des produits addictants. Mais ça rentre dans une logique contemporaine qui est que tous ces produits qui touchent ce qu'on appelle l'esprit ou le psychisme sont des produits sulfureux. Mettre des règles qui permettent d'avoir de meilleures prescriptions, c'est une bonne chose. Arrêter des produits, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. On a un double retour. On a un retour, comme toujours, ou presque d'ailleurs. William Lovenstein. À la fois sur plan festif, mais aussi sur plan d'interrogation scientifique fort passionnante. De drogues qui paraissent des drogues de dinosaures, c'est-à-dire le LSD, le premier des produits de synthèse, si j'ose dire, en pathogène, c'est-à-dire plutôt sympathique, l'ecstasy, mais aussi la kétamine, bien connue dans le milieu vétérinaire. Ces molécules-là, qui ont des histoires très très anciennes, hein, le LSD, l'histoire commence avant la Première Guerre mondiale, et puis est un peu affinée après celle-ci, et surtout explose en contre-culture, notamment sur les campus américains, avant d'être interdite dans les années 70 par ce gouvernement américain. Et sauf les labos militaires, il est plus décidé d'explorer ce que ça peut donner. Maintenant, on se rend compte que le LSD peut être extraordinairement intéressant face à des pathologies qu'on a du mal à traiter sans lourdeur, comme les psychoses, la schizophrénie, voire la paranoïa notamment. Mais que l'ecstasy, hein, dont tout le monde a entendu parler à la fin des années 2000, comme la pilule du bonheur, comme la, etc., peut être très importante dans des usages thérapeutique, le potentiel, hein, là, il y a des études et pas encore des validations tous azimuts pour traiter les PTSD, c'est-à-dire les maladies ou les syndromes post-traumatiques. La kétamine peut-être ouvrir un nouveau champ d'antidépresseurs pour lequel on se rend compte que les antidépresseurs classiques ont certes des intérêts, mais beaucoup de limites, et dont celle d'ailleurs de l'addiction. Hein. C'est une dépendance qui peut s'installer, comme pour les tranquillisants, les benzodiazépines, de façon sévère. Et on a comme ça un retour des molécules sur les deux plans. Oui, ce qui va être testé en laboratoire, bien sûr qu'il va y avoir, si j'ose dire, des petites fuites sociales. C'est la même chose pour les produits dopants, hein, dans le milieu sportif. Vous avez des vraies études et puis, comme par hasard, vous allez retrouver des sportifs avec ces nouveaux produits dopants bien avant que la science les ait validés. L'expérimentation sauvage est un peu sur le terrain. Cette expérimentation sauvage, elle peut être aussi festive plus largement pour un certain nombre de molécules. La kétamine, puisqu'on parlait de la dépression, vous voyez, est déjà étudiée très sérieusement dans plusieurs études internationales pour son potentiel antidépresseur. Je reviens à ça, hein, pardon, j'ai fait une petite digression, mais voilà, donc kétamine, LSD, ecstasy, oui, maintenant qu'il n'y a plus de barrage idéologique, ouvre des champs vraiment de recherche sur notre fonctionnement, y compris pour celui de savoir, pour finir sur cette question-là, qu'est-ce qui se passe dans notre tête avant de mourir ? Qu'est-ce qu'on sécrète ? Pourquoi on sécrète un certain nombre de choses qui sont plutôt proches, si j'ose dire, des hallucinogènes, On a le droit de se demander, c'est pas, si j'ose dire, mortel, de se demander qu'est-ce qu'on sécrète avant de mourir. Quoi. Donc, voilà des champs vraiment d'exploration tout à fait passionnants qu'il faut contrôler pour les raisons éthiques que vous devinez. On peut pas donner un conteneur de LSD à 5 volontaires, même grassement payés, vous voyez, pour faire avancer la science. Voilà, donc là on va rencontrer Thomas Palenicek, qui est donc le professeur qui fait des essais cliniques sur différentes drogues thérapeutiques. C'est un hôpital laboratoire. Alors Jacques Lequin, on arrive... C'est un laboratoire ou c'est un hôpital en fait? Alors c'est une clinique et en même temps c'est un laboratoire. Et les gens viennent se faire soigner pour quel type de maladie? C'est essentiellement les maladies mentales. C'est donc, un hôpital psychiatrique? C'est un hôpital psychiatrique, oui. Salut Dan. Salut Dan. Au tout début, quand j'ai décidé de travailler là-dessus, on s'est beaucoup... ouvertement moqué de moi, et quand on sait que c'est un très bon moyen de diminuer les épilepsies et que on voit toujours pas ça dans nos pharmacies en France, ou quand on parle de cannabis pour soulager, justement, que ce soit les épilepsies ou autre, et qu'on nous rit au nez, c'est vraiment pas agréable, et parce que les gens s'arrêtent à cannabis et oublient le mot thérapeutique derrière, et c'est rageant. Et je trouve ça très dommage qu'en France, on n'arrive pas à se défaire un petit peu de ce côté récréatif, tout en pensant que la plante, elle a pas forcément qu'un côté festif, mais surtout un côté médical qui pourrait aider pas mal de gens. Jacques Lequin, en fait, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que le corps humain sécrète lui-même des substances cannabinoïdes. Oui, en effet, c'est une chose très importante, c'est que le corps possède lui-même ses substances chimiques naturelles, cannabinoïdes, ce qu'on appelle les endocannabinoïdes. Et ça fait partie donc d'un système intégrant à la physiologie propre à notre corps. Et donc si on n'a jamais fumé de cannabis, on a quand même des cannabinoïdes dans notre corps qui sont sécrétés naturellement dans le corps humain. Et la recherche a besoin de connaître mieux ce système, que l'on appelle système endocannabinoïde, qui comprend ces substances chimiques naturelles et des récepteurs. Donc les récepteurs, il faut voir ça comme des serrures de portes. Et les substances naturelles endocannabinoïdes sont les clés qui peuvent ouvrir ces serrures, donc ces portes, et permettre la communication dans notre corps, et donc permettre de déclencher des mécanismes physiologiques et des comportements également à plus grande échelle. Et on sait qu'il y a maintenant, on a identifié deux récepteurs, le récepteur CB1, cannabinoïde 1, et le récepteur cannabinoïde 2. Et il y a beaucoup de recherches en ce moment sur un récepteur qui est dit orphelin, parce qu'on ne sait pas à quelle catégorie de système il appartient dans notre corps, comment il agit dans la physiologie humaine. Et on se rend compte que ce récepteur qui s'appelle le GPR55 est en passe de se faire appeler le récepteur cannabinoïde 3. Ça veut dire qu'il y a potentiellement autant de cibles thérapeutiques pour pouvoir traiter des maladies et leurs symptômes. Le système endocannabinoïde peut interagir avec d'autres systèmes comme celui des morphiniques, par exemple. Et c'est pour ça que la recherche est très très importante sur la compréhension de la physiologie à l'échelle des endocannabinoïdes. C'est impliqué dans les mécanismes d'inflammation. Donc c'est pour ça que aussi on dit que le cannabis et certaines molécules cannabinoïdes ont un potentiel anti-inflammatoire, parce que ça interagit fortement dans ces mécanismes-là d'alerte inflammatoire, en fait. Donc c'est un peu les réguler. Tomasz Palenicek, la psilocybine, qui l'origine, en fait, c'est un champignon hallucinogène. Mm-hmm. Est-ce que ces recherches n'ont pas été longtemps freinées par la mauvaise réputation des psychotropes? En République tchèque, on a une grande histoire de faire ce type de recherche dans les années 50-60. On a terminé dans les années 70 avec la recherche avec psilocybine et LSD. On était une des dernières pays au monde où on pouvait utiliser les substances psychotropiques sur les humains. Parce que toutes ces substances, dans les années 60, ces substances, ils avaient été placées sur la liste des substances plus dangereuses entre les drogues. Et comme ça, les régulations étaient plus difficiles de les recommencer à utiliser dans les humains. Et presque aucun pays au monde pourrait continuer avec les expériences, sauf en Suisse. Les gens qui prennent psilocybine, si c'est la dose qui est suffisamment haute, ça peut produire des effets hallucinogéniques qui sont typiquement visuels. Ce ne sont pas des hallucinations vraies, ce sont quelque chose qu'on appelle pseudo-hallucinations. Ça veut dire qu'on est consciente que ce qu'on voit ou ce qu'on perçoit, c'est pas la réalité. Et typiquement, les gens, ils voient avec les yeux fermés, ils peuvent voir beaucoup de choses, des paysages différents, l'univers, les mondes différents, ils peuvent voir l'émotion, ils peuvent voir la musique, etc. Et aussi par les autres sens, ils peuvent avoir des sensations différentes que normalement. Aussi, un symptôme qui est typique avec les substances psychédéliques, c'est quelque chose qu'on appelle synesthésie. Ça veut dire qu'on perçoit une sensation avec un autre sens. Par exemple, on peut voir l'odeur. L'odeur, c'est espagnol. On peut goûter la musique ou les choses comme ça. Cette expérience profonde avec les psychédéliques nous donne l'accès à notre souvenir qui sont inconscients normalement. Et après, on peut les récolter dans la période de descente. Et après, quand on est déjà pas intoxiqué, on peut les intégrer dans notre vie normale. Et tout ça, en combinaison, peut être la base d'une réponse positive psychologique dans les patients déprimés et dans les patients avec un stress post-traumatique. Après, il existe plusieurs études avec psilocybine, avec LSD aussi, que dans les patients avec le cancer, dans la phase terminale, dans la phase terminale, que ces substances peuvent améliorer anxiété et dépression que ces gens logiquement peuvent percevoir. Et avec MDMA, il y a beaucoup d'évidence que quand c'est utilisé dans un environnement contrôlé, dans le traitement de PTSD, ça peut améliorer l'effet de traitement, vraiment. Le traitement standard avec les antidépresseurs, la psychothérapie, là, ils ont une effectivité approximant vers 20 ou 30%. Avec MDMA, ça peut arriver jusqu'à 70%. Ça fait grosse différence. Mon père est hospitalisé ici à Montréal en ce moment. Il est très mal soigné, évidemment. Il commence à souffrir beaucoup. J'ai un ami médecin qui m'a conseillé d'essayer de lui procurer de l'héroïne. C'est un domaine que je connais très peu. J'ai fumé de la marie quand j'étais étudiant, comme tout le monde. Ce que je me suis dit, c'est que la drogue circule dans toutes les villes du monde. Les policiers connaissent les points de vente. Je me suis imaginé, peut-être un peu naïvement, que vous pouviez me suggérer des zones où trouver de l'héroïne de qualité en quantité suffisante. Ouais, c'est toujours une question avec ces substances. Les opioïdes, ce sont des drogues magnifiques pour traitement. Presque personne sait qu'il y a des études aussi avec les opioïdes dans le traitement de dépression. Dans la dépression résistante sur les autres traitements. C'est vraiment logique parce que si on réalise pour 1000 années qu'est-ce que l'humanité a utilisé, ils ont utilisé les opioïdes pour traiter les symptômes de dépression, de old age, of elderly people. De vieillesse, voilà. Ah. Dans la Chine, tout le monde a fumé opium quand ils ont été âgés. C'est quoi ? De l'héroïne. Ça vient de l'opium, ça. C'est de la morphine mélangée avec des produits chimiques. Pour me faire une piqûre ? On va commencer par aspirer la fumée, puis après on verra. C'est quand même incroyable. Baissez-vous maintenant. Essayez de vous concentrer. C'est la première fois qu'il la meilleure. C'est celle-là qu'on veut toujours retrouver. Ça s'appelle Riding the Dragon. Chevaucher le dragon. Mmh. Maintenant, on est beaucoup plus prudent pour qu'on ne donne pas ces substances aux gens qui peuvent être sensibilisés de développer les symptômes psychotiques. Aussi, l'environnement où ils ont pris ces substances dans les années 60, c'était vraiment pas tellement contrôlé comme c'est aujourd'hui. C'était dans l'époque de hippie et c'était pas connecté qu'avec le setting traditionnel, mais il y a beaucoup de gens qui ont utilisé ces substances d'or dans les soirées et tout ça. Alors oui, c'est Jacques qui nous a parlé. Vous allez faire des expériences avec l'Ouashkaya, avec des chamans. Les Indiens, ils utilisent ayahuasca ou mescaline ou psilocybine dans le contexte que ce sont les substances qui les donnent, les informations sur la nature, comment ils doivent comprendre les plantes, comment ils doivent cultiver les plantes et tout ça. Ils disent, on ne sait pas comment, mais ils disent que toutes les connaissances qu'ils ont, ça vient d'expériences avec ayahuasca ou avec mescaline, que c'est une connaissance qui arrive avec les expériences. Oui, que les plantes, ils parlent, que les animaux parlent, ils disent comment compartaient. Et les morts, surtout. Ouais, les morts, ancêtres. Ouais. Et aussi, c'est normal que les nations traditionnelles, ils ont beaucoup moins peur de mourir que la société occidentale. Tomáš Paleníček, donc on va visiter là un petit peu l'hôpital et les laboratoires. On commence par quelle partie ? On peut descendre dans notre laboratoire où on fait la recherche avec les substances psychédéliques. C'est un laboratoire de EEG qui est connecté avec la résonance magnétique. Mais donc on va voir, c'est plutôt le département d'imagerie médicale. Ouais, ça c'est ce que je vais vous montrer. Là on travaille avec les Alors, on va descendre dans le laboratoire où on fait la recherche EEG et fMRI. La fonction électrique et avec la résonance magnétique, avec, on regarde sur le métabolisme. Il n'y a pas une recherche qui... Je vais. Et toi, tu as fait une nouvelle là? Ciao. Bon, alors là... Les casques... Casque pour faire les électroencéphalogrammes. Ouais. Donc ça ressemble à un bonnet de bain. Avec, on met ça sur la tête et c'est un peu en caoutchouc avec des électrodes sur toute la tête. On met ça sur les cheveux. Ouais. Ici, on met les électrodes. Et ici, c'est une cache de Faraday. Ça, c'est l'appareil, l'amplificateur. Qui enregistre les potentiels électriques de cerveau. C'est une pièce isolée de toute irradiation électromagnétique. Quand on ferme la porte, il n'y a plus signal, il n'y a rien du tout. Et voilà, c'est une autre, pièce préparative et c'est connecté avec la même cache Faraday. Mais c'est décoré un peu différemment. Oh, c'est très joli. Vous avez mis des tissus un peu psychédéliques. Pas tellement psychédélique, ce sont des tissus qui viennent d'Amérique latine, majorité. Ah oui, mais c'est très coloré, ça c'est très graphique. Ouais. C'est très beau. Mais c'est la même pièce que la autre. Mais pour passer des heures ici, c'est vraiment beaucoup plus agréable que dans une chambre normale. Oui, l'autre est complètement vide et ici, tous les tissus sont mûrs sur le divan, sur les fauteuils. C'est très beau. Bon, alors là, on travaille avec tout. Et on va préparer une autre. Ça, c'est Palo de Lluvia. C'est un instrument de musique qui reproduit la pluie, qui a le bruit de la pluie. Ouais. Ça, c'est d'Amazonie. Et donc là, vous, les gens, en fait, vous les amenez ici et puis... On fait la session préparative ici. Et ça dure combien de temps environ? Les gens restent combien de temps dans cette pièce? Quand on fait la session avec psilocybine, c'est... avec la préparation et la termination, c'est entre 8 et 9 heures. L'expérience seule, c'est 6 heures. Oui, mais c'est long quand même. C'est long. Alors, avec kétamine, c'est beaucoup plus court parce qu'on utilise kétamine dans infusion. Et on peut contrôler ça vraiment facilement. C'est une infusion de 30 minutes. Avec la préparation et termination, c'est normalement pas plus que 2 heures. Donc par exemple, là, la personne prend de la psilocybine et vous, vous restez dans la pièce, vous la surveillez, vous ne la laissez pas seule. Et les conditions pour que ce soit pas, ça crée pas de l'anxiété et en plus amplifiée par le produit. Ils peuvent avoir anxiété. Typiquement, l'anxiété arrive au début parce que c'est vraiment associé avec le perte de contrôle. Ça peut être aussi associé avec les symptômes initiels qui sont un peu désagréables, somatiques, la palpitation, perspiration, parfois sentir de vomir, parfois non. C'est typiquement, c'est le père des systèmes de contrôle de la réalité normale. Toute expérience est dirigée par le père de contrôle. Quand on laisse le contrôle à quelqu'un d'autre, quand on laisse nous montrer ce que la substance ou l'expérience peut nous montrer, ça peut être beaucoup plus facile que si on veut contrôler. Si on veut contrôler, c'est vraiment typiquement associé avec l'anxiété et avec des symptômes désagréables. Et alors vous, si la personne commence un peu à paniquer, elle a pris le produit et vous lui parlez dans ces cas-là ou surtout pas ? Ça dépend. Ça dépend par personne et on n'a eu pas une personne qui a paniqué. C'est vraiment important d'avoir la préparation bien faite. On prend pas les gens qui sont dans un moment difficile de leur vie. Par exemple, on a eu une collègue qui est venue, il a dit, bon, je me suis cassé avec mon ami il y a une semaine et bon, je veux bien rentrer. On a dit non, pour l'instant tu peux pas rentrer, il faut que tu relaxes un peu pour que tu aies plus dans un état plus stable parce que ça peut être un risque d'avoir une expérience qui serait pas bien. Alors ce sont les moments importants, la préparation. C'est important d'être dans un état qu'on est les observeurs. On peut observer. C'est comme quand on est dans le train. On regarde dehors de la fenêtre. On ne peut pas changer ce qui se passe dehors. On peut juste observer. On ne peut pas faire des autres choses. On ne peut pas changer le paysage qui est dehors. Alors, c'est la position d'être un observateur. La deuxième chose, c'est que si on expérience quelque chose de désagréable ou mauvais, c'est vraiment important de n'essayer pas de contrôler, de escaper de ça. Alors si on expérience des moments difficiles, par exemple quand on a peur qu'on va mourir, on peut laisser nous mourir en disant dans l'expérience c'est pas grave de mourir. Et ça peut être connecté avec l'anxiété au début, mais quand on laisse notre cerveau voyage mourir, ça peut changer et ça peut nous offrir une expérience beaucoup plus agréable. C'est le père qu'on peut mourir. Alors si on expérience quelque chose de mauvais, il ne faut pas essayer de s'échapper ou contrôler, mais c'est de laisser passer, entrer et passer. On a toujours dit que c'est une session pour la personne. Alors ce n'est pas important ce qui se passe, on est toujours là pour sous sécurité et qu'il ne doit pas contrôler rien autour. S'il a besoin de vomir, on lui aide de vomir. S'il a besoin de crier, il peut crier. S'il veut bien être connecté sur le toit, comment s'appelle ça, sur le ceiling, on peut le laisser connecter là-bas s'il veut, mais ce n'est pas réel. Mais on est là pour la sécurité, pour lui aider de faire les choses qu'il veut, qui sont sécures. Alors, il peut laisser toutes les choses de contrôle sur nous. Ça laisse la personne évoluer à l'expérience plus profonde et sans anxiété. Et bon, moi aussi, j'ai eu des moments d'anxiété au début, de perdre la contrôle, de mourir et tout ça. J'étais complètement désorienté. Et quand j'ai laissé moi-même de mourir, de se mettre sur inexistence, ça a totalement changé. L'anxiété s'est désapparue et j'ai expérimenté une expérience vraiment positive. C'était quoi l'expérience alors? Euphorique, la connaissance de l'univers, la connaissance de... J'ai exploré beaucoup d'univers différents, external, internal. C'était vraiment... Je connais pas les mots en français, je suis désolé. C'est difficile de d'écrire l'expérience psychédélique dans les mots et en plus dans les mots de langue que n'est pas mon langue maternelle. Bon, visiter plusieurs univers, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal. Mais bon, voilà. Mais l'expérience plus profonde, c'était le début quand j'étais comme la gomme, par les forces invisibles, j'étais étiré comme la gomme, et finalement étiré sur rien. J'ai perdu la consistance de mon corps, d'existence. Comme un élastique. Comme un élastique, mais finalement, c'était, j'ai pas existé. Et quand je me suis laissé de pas exister, c'était un moment vraiment relaxant, et l'expérience a changé dans une expérience vraiment positive. Ça durait une demi-heure d'anxiété au début, qui a augmenté pendant la session, jusqu'à la perte de contrôle total. Et après, c'était vraiment positif. Oui, c'est long, hein, une demi-heure d'angoisse. Oh, une demi-heure, c'est rien du tout. L'expérience dure 6 heures. Pour expérimenter quelque chose d'important pour nos vies, de passer par les moments difficiles. Si c'est dans un contexte contrôlé et bien fait, ça pourrait nous donner des connaissances importantes pour notre vie. J'ai toujours les expériences dans mon cerveau qui sont vraiment profondes, parce que les doses qu'on utilise ici sont vraiment hautes. C'est pas une expérience légère, c'est une expérience forte. Et c'est ça, la kétamine, c'est un produit qui va dissocier le corps et l'esprit. Mm-hmm. Avec la kétamine, on peut vraiment sentir la dissociation. Parce qu'on utilise kétamine dans infusion. C'est vraiment, vraiment rapide l'effet. Et le premier effet qu'on peut sentir, c'est qu'on perd la connexion avec le corps. On ne le sent pas. On reste que la conscience sans le corps. Et si on ferme les yeux, on n'a plus la sensation de réalité. On est le soul isolé, comment dire ? Ah, l'âme. L'âme. Ah, il n'y a plus que l'âme isolée, ouais, qui est flottante dedans, l'âme. Ou à l'univers. Et on peut se déconnecter de la réalité complètement. On a eu les Indiens ici. Ah oui, vous avez le chaman qui est venu ici dans votre c'était service. Pas le chaman, c'était le président Unikuyi, des gens d'Amazonie. D'accord. Ah oui, donc vous êtes déjà bien avancé dans dans l'organisation d'expérience. Ouais. C'était la première fois quand la personne native, indienne native, entrait la résonance magnétique et le laissait enregistrer son électroencéphalogramme ici. Ah, et qu'est-ce que ça a donné comme résultat ? C'était étonnant. On ne peut pas faire des résultats d'une scan. Il a eu un scan normal. Mais bon, les gens natifs, ils pensent que peut-être avec les jeux, on peut voler leur cerveau ou leur alma ou quelque chose comme ça. Alors lui, il se laissait enregistrer pour qu'il puisse montrer à ces gens que ça fait rien à lui. Qu'on lui a pas volé son cerveau. Voilà. Ils connaissent pas le mot psychiatrie. Ils savent pas qu'est-ce que c'est. Ils connaissent pas diagnose de schizophrénie, dépression, ils ne sont pas connectés avec ça. Ils comprennent une manière complètement différente que nous. Bon, diagnostic, on est normaux ou on peut sortir de l'hôpital psychiatrique ou pas ? Vous avez les clés ? Moi, j'ai les clés. Vous connaissez Black ? Non. Quelle est la différence entre le psychiatre et le patient ? Le psychiatre a des clés. Drogue thérapeutique avec Bertrand Rambaud, Jaco et Jacques Loca de l'association UFCM, le pharmacien Philippe Ril et le chercheur Christian Muller, les psychiatres Michel Hautefeuille, Richard Rechtmann et Thomas Palinicek, William Lovenstein, co-auteur de Tous addicts et après aux éditions Flammarion. Prise de son, Nicolas Mathias, Marcos Daras, Cyprien de Limerville, Laurent César,